suis sur une route à double sens de circulation. Un refuge pour les piétons a été aménagé sur le passage, au milieu de la chaussée. Ce type de refuge a l'avantage de permettre aux piétons de traverser en deux fois. C'est particulièrement utile lorsqu'un sens de circulation est encombré. Le refuge offre une petite sécurité aux piétons qui leur permet de mieux contrôler la dernière partie de la traversée. Dans cette situation, je ne suis pas dans l'obligation de laisser passer ce piéton qui vient tout juste d'entamer sa traversée. Réponse B.